Book 2 44 44 44 الخروج مساء Sortir le soir Sortir le soir هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Où y a-t-il une discothèque? Où y a-t-il une discothèque? هل يوجد هنا نادي ليلي؟ Où y a-t-il une boîte de nuit? Où y a-t-il une boîte de nuit? هل توجد هنا حانة؟ Où y a-t-il un bistrot? Où y a-t-il un bistrot? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ Qu'est-ce qu'il y a ce soir au théâtre؟ Qu'est-ce qu'il y a ce soir au théâtre؟ ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ Qu'est-ce qu'il y a ce soir au cinéma؟ Qu'est-ce qu'il y a ce soir au cinéma؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télévision? Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télévision? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Est-ce qu'il y a encore des places pour le théâtre? Est-ce qu'il y a encore des places pour le théâtre? هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ Est-ce qu'il y a encore des places pour le cinéma. Est-ce qu'il y a encore des places pour le cinéma? هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Est-ce qu'il y a encore des places pour le match de football? Est-ce qu'il y a encore des places pour le match de football? أريد أن أجلس تماماً في الخلف. Je voudrais une place tout au fond. Je voudrais une place tout au fond. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Je voudrais une place au milieu. Je voudrais une place au milieu. أريد أن أجلس تماما في الأمام. Je voudrais une place tout devant. Je voudrais une place tout devant. بماذا يمكن أن تنصحني؟ Pouvez-vous me recommander quelque chose? Pouvez-vous me recommander quelque chose? متى يبدأ العرض؟ Quand commence la présentation? Quand commence la présentation? هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Pouvez-vous me procurer un billet؟ Pouvez-vous me procurer un billet؟ هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ Est-ce qu'il y a un terrain de golf à proximité؟ Est-ce qu'il y a un terrain de golf à proximité؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Est-ce qu'il y a un cours de tennis à proximité? Est-ce qu'il y a un cours de tennis à proximité? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ Est-ce qu'il y a une piscine couverte à proximité? Est-ce qu'il y a une piscine couverte à proximité?